Chapitre 2. Quelques jours plus tard, Jésus revint à Capernaum, et l'on apprit qu'il était à la maison. Une si grande foule s'assembla qu'il ne restait plus de place, pas même dehors devant la porte. Jésus leur donnait son enseignement. Quelques hommes arrivent alors, lui amenant un paralytique, porté par quatre d'entre eux. Mais ils ne pouvaient pas le présenter à Jésus à cause de la foule. Ils ouvrirent alors le toit au-dessus de l'endroit où était Jésus. Par le trou qu'ils avaient fait, ils descendirent le paralytique étendu sur sa natte. Quand Jésus vit la foi de ces hommes, il dit au paralytique, « Mon fils, tes péchés sont pardonnés. » Quelques maîtres de la loi, qui étaient assis là, pensaient en eux-mêmes, « Comment cet homme ose-t-il ainsi parler contre Dieu ? Qui peut pardonner les péchés ? Dieu seul le peut. » Jésus sut aussitôt ce qu'ils pensaient et leur dit, « Pourquoi avez-vous de telles pensées ? Est-il plus facile de dire au paralytique, « Tes péchés sont pardonnés » ou de dire, « Lève-toi, prends ta natte et marche. » Mais je veux que vous sachiez que le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. » Il adresse alors ces mots au paralytique, « Je te le dis, lève-toi. » « Prends ta natte et va chez toi. » Aussitôt, tandis que tout le monde le regardait, l'homme se leva, prit sa natte et partit. Ils furent tous frappés d'étonnement. Ils louaient Dieu et disaient, « Nous n'avons jamais rien vu de pareil. » Jésus retourna vers le bord du lac de Galilée. Une foule de gens venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau de paiement des impôts. Jésus lui dit, « Suis-moi. » Lévi se leva et le suivit. Jésus prit ensuite un repas dans la maison de Lévi. Beaucoup de percepteurs d'impôts et de gens de mauvaise réputation étaient à table avec lui et ses disciples, car nombreux étaient les hommes de cette sorte qui le suivaient. Et les maîtres de la loi, qui étaient du parti des pharisiens, virent que Jésus mangeait avec ces gens-là et les percepteurs d'impôts. Ils dirent à ses disciples, « Pourquoi mange-t-il avec les percepteurs d'impôts et les gens de mauvaise réputation ?» Jésus les entendit et leur dit, « Les gens en bonne santé n'ont pas besoin de docteurs, ce sont les malades qui en ont besoin. Je ne suis pas venu appeler des gens respectables, mais des gens de mauvaise réputation. » Un jour, les disciples de Jean-Baptiste et les pharisiens jeûnaient. Des gens viennent alors demander à Jésus, « Pourquoi les disciples de Jean-Baptiste et les disciples des pharisiens jeûnent-ils, et tes disciples ne le font-ils pas ?» Et Jésus leur répond, « Pensez-vous que les invités d'une noce peuvent se passer de manger pendant que l'époux est avec eux ? Bien sûr que non. Pendant tout le temps que l'époux est avec eux, ils ne peuvent se passer de manger. Mais le temps viendra où l'époux leur sera enlevé. Quand ce jour sera là, alors ils jeûneront. Personne ne coûte un morceau d'étoffe neuve sur un vieux vêtement. Si on le fait, le nouveau morceau arrache une partie du vieux vêtement et la déchirure s'agrandit encore. Et personne ne verse du vin nouveau dans de vieilles outres. Si on le fait, le vin fait éclater les outres, et le vin et les outres sont perdus ensemble. Mais non, il faut verser le vin nouveau dans des outres neuves. Un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Ses disciples se mirent à cueillir des épis de blé le long du chemin. Les pharisiens dirent alors à Jésus, « Regarde, pourquoi tes disciples font-ils ce que notre loi ne permet pas le jour du sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David un jour qu'il avait besoin de nourriture parce que lui-même et ses gens avaient faim ? Il entra dans la maison de Dieu et mangea les pains offerts à Dieu. Abiatar était le grand prêtre en ce temps-là. Notre loi permet au prêtre seul de manger ses pains, mais David en prit et en donna aussi à ses gens. » Jésus leur dit encore, « Le sabbat a été fait pour l'homme. L'homme n'a pas été fait pour le sabbat. C'est pourquoi le Fils de l'homme est maître même du sabbat.